7h04 sur FM. Mon nom est Jean-Marie. Je suis content d'être avec vous. Vous écoutez Afrique Plus. Aujourd'hui, c'est samedi, le 12 juillet 2008. Bonjour, Bruno. Bonjour à vous, chers auditeurs. Alors, l'émission de ce matin, nous avons une heure Afrique Plus et deux heures ici l'Afrique. Donc, on vous rappelle que nous serons là, nous allons vous accompagner pendant combien de minutes ça fait déjà? 120 plus 60? J'ai oublié. Écoutez, mesdames et messieurs, nous sommes contents. On commence avec la bonne humeur ce matin, ce samedi, le 12 juillet, samedi 12 juillet 2008. Nous sommes contents d'être avec vous. Écoutez, l'émission est assez bouquée, assez pleine, comme on dit ici au Québec. On aura depuis Paris le docteur Légardigal Djimadoun, on ira le chercher, qui est secrétaire général de l'ACTUS, Action tchadienne pour l'unité et le socialisme. Il est aussi rédacteur en chef du site Tchad Espoir. Donc on ira le chercher en première partie et après lui on ira à Washington aux États-Unis chercher un autre docteur, Jimmy Adoum, un autre Tchadien d'origine qui lui était coordonnateur de la commission indépendante pour le dialogue inclusif qui s'est tenu le 29 au 30 mars 2008 et il est en même temps rédacteur en chef du site Tchad News Info et après ça on repart en France chercher. Il s'appelle Apollinaire Koulama. Il est membre de la 6e région. Alors là, je vous laisse la surprise. On ne vous dit pas plus par rapport à la 6e région. Il va nous parler de la diaspora africaine et beaucoup d'autres choses. Et la suite du programme, on a avec nous en studio en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième partie, parce que l'émission sera très très longue ce matin. On aura. Ben, à 8h, on aura un musicien, le Afrique Plus Musique ou ici l'Afrique Musique. On va recevoir Popo Le Boy qui vient de nous présenter son album ici en studio avec nous. Et beaucoup d'autres. On a M. Diamba qui revient avec nous. On va parler de beaucoup d'autres sujets. Et Bruno, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de, avec la présentation de M. Diamba ou tout est secret? Il faut patienter. Il faut patienter, il aime dire ça. Et donc, on repartira en France chercher quelqu'un ou au Burkina Faso ou. Sans doute, on ira d'abord à Paris chercher Zoul pour voilà. L'association L'étrange rencontre. C'est oui. Très intéressant. Il faut patienter aussi pour savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de l'étrange rencontre. Voilà. Et. Et nous irons peut-être aussi en Côte d'Ivoire chercher Sam Skaleja. Pour ceux qui connaissent sans doute, donc c'est un artiste musicien. Et bon, il faut commencer à 7h07. On commence avec la voix de M. Philippe Mabiala, qui est l'auteur de Germes hétéro. Alors voilà, on écoute ça. Pardon ? Le germe et le terreau. Le germe et le terreau, voilà. Quête identitaire d'un prêtre. Quête identitaire d'un prêtre africain en Occident. On écoute ça, mesdames et messieurs, c'est l'introduction de notre émission. Et ce matin, on vous demande de rester là. Et juste après, on va chercher M. Gardigal en France. C'est un petit poème que j'ai intitulé « Là-bas ». Là-bas, je vis, ici, je vivote. Là-bas, je me la coule douce. Ici, je trime. Là-bas, je contemple la nature. Ici, je suffoque dans le béton. Là-bas sont les solutions. Ici, les problèmes. Allons et chantons la vie là-bas. Quelqu'un m'a dit, là-bas, c'est où? Il dit, c'est là-bas. mon petit nom, c'est le lion. Alors, on vous l'a dit, après 10 années ici, alors j'ai décidé de rentrer dans notre Afrique natale. J'ai intitulé le poème « Le lion se retire », donc je me retire. Donc, page 226. Le lion se retire de la cage pour la forêt, lutter, survivre et vivre. Spectacle fascinant. Bye bye les visiteurs, plus rien à voir, circuler. Il n'a dévoré personne. Fait peur, quelquefois. C'est sa nature. Rassuré, souvent. C'est sa culture. Présent au cœur de la ville, aux petits oignons. Il doit partir. Ainsi va la vie. Courir plus vite que les autres bêtes pour ne pas mourir de faim. Éviter les balles des braconniers. Faire confiance à la vie. Fini la plume du scribe. Fini ses prédications. Fini sa catéchèse occasionnelle autour des repas. Le serviteur tire sa révérence, brûlant son œuvre, et descend, faisant germer les fleurs, des roses, comme les doigts de la main, pour dire bye bye et merci. L'École de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878. Jocelyn et Linard est maintenant un agent CAM Transfert. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878. Alors, 5 minutes en Afrique, Bruno, c'est à toi. On va commencer par le Niger. 30 000 personnes manifestent contre la vie chère. Aux Comores, un nouveau gouvernement a été formé. On va aller un peu loin, mais ça touche quand même à l'Afrique. Victoire des Afro-Colombiens. Désormais, la loi prescrit la discrimination. Les Blancs n'ont plus le droit d'affirmer publiquement leur racisme. Nigeria, le MEND menace de ruiner l'industrie du pétrole. Donc ce mouvement rebelle du delta du Niger a décrété la fin unilatérale du cessez-le-feu. C'est la fin de l'état de grâce pour Oumarou Yar'Adua, le nouveau président. Darfour, 2003-2008, 5 ans de conflit au Darfour, 5 ans d'insécurité pour la population civile, principale cible des attaques perpétrées par les différents groupes armés et les forces armées soudanaises. 95 000 personnes ont été tuées, Plus de 200 000 seraient mortes des suites indirectes du conflit. Et près de 2 300 000 personnes sont contraintes de quitter leur foyer, dont à peu près 1 million d'enfants. Tchad, Soudan, ou plutôt Darfour, toujours et encore, une embuscade aurait été tendue à une patrouille des forces conjointes UA-ONU, donc la MINUAD, par des rebelles janjaouides ou supplétifs de Khartoum, selon, près de la localité de Oum Akiba, au nord de la province. Cette attaque meurtrière a coûté la vie à 7 militaires et en a blessé 22 autres. Cette patrouille enquêtait sur la mort de deux soldats de l'ALS, l'armée de libération du Soudan, qui, elle, accuse clairement les milices arabes soutenues par Khartoum. L'ALS est un des mouvements rebelles qui a décidé de prendre les armes contre le gouvernement de Khartoum qu'il juge illégal, tribal et raciste. Citation. La province soudanaise du Darfour, grande comme la France, est depuis plusieurs années en fait le théâtre d'exactions. De l'avis de plusieurs organisations humanitaires et gouvernements occidentaux, plus de 300 000 personnes y ont trouvé la mort. Le conflit qui oppose groupes rebelles réclamant plus d'autonomie et un partage des ressources et les forces gouvernementales soudanaises suppléées donc par ces milices arabes qu'on appelle Janjaweed a provoqué plus de 2 millions de déplacés, ne l'oublions pas. Le gouvernement de Khartoum tend à minimiser son rôle dans ces crimes de masse perpétrés contre des populations civiles et il voudrait faire croire qu'au Darfour, les victimes ne sont pas plus de 10 000. Les relations entre le Tchad, dont la frontière avec le Soudan s'étend sur une très grande partie du Darfour, sont au plus bas et la guerre des mots entre Déby et Béchir fait régulièrement la une régionale. Les deux parties soutenant et finançant chacune la rébellion de son adversaire, les rebelles qui font régulièrement des excursions au Tchad pour défaire Déby Itno sont pour le moins soutenus par le Soudan et cet argument a notamment servi à Paris pour intervenir plusieurs fois comme on l'a vu dans l'actualité récente. Autre chose par rapport au Soudan cette semaine, donc il semblerait que Luis Moreno Ocampo, le procureur de la CPI, se prépare pour intenter une poursuite contre Omar El-Béchir pour crimes de guerre notamment. Et donc le Soudan a réuni d'urgence, de toute urgence on va dire, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe pour justement profiter de l'occasion pour en discuter. Et donc on verra ce que ça donne. Ces pays toujours, donc Jean-Pierre Bemba s'est mal engagé pour la libération, c'est le moins qu'on puisse dire. Les faits recueillis constituent un solide dossier. Thomas Lubanga Dilo, lui, donc l'exemple que la CPI voulait nous servir comme premier inculpé important, reste en détention même si le procès ne débute pas dans les prochains jours. Les juges de la chambre d'appel de la CPI ont statué donc lundi. La suite du feuilleton CPI criminel présumé au prochain épisode. Guinée équatoriale, toujours et encore pétrole et corruption. Remplacement du Premier ministre, donc Obiang Nguema a tranché dans la même journée, les têtes tombent et sont replacées. Congo-Brazzaville, est-ce que celui qu'on appelle le pasteur Ntoumi, alias Fred Binsamou, va-t-il déposer réellement les armes? Il y a quelques semaines, la branche armée de son mouvement était officiellement dissolue. Reste à voir si les ninjas vont réellement déposer les armes. Algérie, le procès tant attendu de l'assassinat du chanteur Lounès Maktoub, assassiné en juin 1998, donc le 25 juin, a été ajourné mercredi à une date non encore définie. Une requête pour un complément d'enquête serait à l'origine de la décision. Le tribunal semble vouloir permettre un procès réel qui mettrait à jour toutes les circonstances de la mort du chanteur. La Kabylie, cette région particulière de l'Algérie, attend beaucoup du procès. Côte d'Ivoire, après le ménage dans la filière cacao diligentée par Laurent Gbagbo himself, c'est Paris qui ressort après l'apaisement des tensions entre les deux pays, l'affaire Guy-André Kiffer. Ce journaliste franco-canadien qui enquêtait sur la corruption dans le secteur très lucratif et opaque du cacao. Simone, la Dame de Fer, ainsi que le ministre d'État Paul-Antoine Boone-Boisbré, iront-ils à Paris à la demande du juge Patrick Ramahel? Rien n'est moins sûr. La famille de la victime, pour sa part, craint que l'enquête s'essouffle, vu que les relations Paris-Abidjan sont dans une phase d'apaisement. Des témoignages jugés fiables, c'est un terme à prendre avec des pincettes, tendent à trouver et à prouver l'implication du ministre et de la Première Dame. Cependant, l'affaire est mal engagée. Abidjan vient de réagir dans les dernières heures en annonçant la probable inculpation de 4 ressortissants français dans l'assassinat de Guy-André Kiffer. Pour le moment, on va s'arrêter là avec les actualités africaines. C'était un peu plus long que d'habitude, mais j'espère que vous êtes toujours à l'écoute. Et on va partir très prochainement donc avec les Tchad pour discuter justement donc des problèmes qui s'y passent. Tout à fait. Et puis nous avons le docteur Lé Gardigal Djimadoum avec nous au téléphone depuis Paris. Bonjour docteur. Bonjour. Jean-Marie. Oui, ben voilà, vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Alors, vous êtes, bon après-midi chez vous, hein? Oui, exactement, nous sommes à 13h20, oui. Voilà. Écoutez, vous, on vous a à l'émission africaine pour parler de la problématique au Tchad. Vous avez... vous êtes déjà, il faut le rappeler, que vous êtes le secrétaire général de l'ACTUS, qui est Action Tchadienne pour l'unité et la solidarité et le socialisme. Et en même temps, vous êtes rédacteur en chef du site internet Tchad Espoir, que nos auditeurs peuvent retrouver tout de suite, www.tchadespoir.net. Alors, le sujet dans lequel nous allons nous lancer, c'est le combat à l'est du Tchad. Vous avez, l'ACTUS a sorti une déclaration. Et puis, en même temps, nous avons parlé du soutien de la France aussi au président Idriss Déby. Alors, mais pour commencer, dites-nous voir. La première question, c'est de savoir, pour mieux informer nos auditeurs sur la crise tchadienne, selon vous, quelles sont les origines de cette crise-là? Alors, je vous remercie d'abord de m'accorder cette interview pour pouvoir éclairer la lanterne de vos auditeurs. Je ne m'étendrai pas sur les origines de la crise, c'est là, nous n'avons pas suffisamment du temps, mais néanmoins, j'essaierai de brosser quelques parties essentielles. Tout à fait, allez-y. Alors, d'abord remontons un peu à l'histoire. Oui. La crise tchadienne remonte au lendemain des indépendances formelles du 11 août 1960. Alors, 3 ans après, c'est-à-dire en 1963, nous avons connu les premières émeutes en N'Djamena. Une partie, ces émeutes sont le résultat de la dissolution des partis politiques existants par l'ancien président. Donc, vous voyez, déjà en 1963, nous avons ce qu'on appelle le monopartisme forcé. L'ancien président, vous voulez dire Issanabé, Idriss Déby ou... Non, en 63, c'était Tombalbaye-François. Le président Tombalbaye. C'était Tombalbaye-François, le tout premier président du Tchad. Voilà, ok. Bien, donc, la crise réelle a commencé en 1966, avec la création du Front de Libération Nationale du Tchad, Frelinga, en abréviation, créé par Ibrahim Abacha, en Yala au Soudan, justement, dans le Darfour soudanais. C'est là-bas que le Frelinga a été créé. Pour plusieurs raisons. Nous avons des raisons politiques. Nous avons ensuite les raisons économiques. Il y a aussi les raisons sociales. Et enfin, les raisons militaires. Le tout a permis ce qu'on appelle de créer ce qu'on appelle la crise tchadienne. Alors, je m'étendrai pas sur chaque point. Chaque détail, oui. Mais ou chaque étape. Oui. Je vais aborder brièvement, par exemple, les raisons politiques. Parmi les raisons politiques, on peut citer la dissolution déjà des partis politiques d'opposition par l'ancien président du Tchad, Tombalbaye-François, en 1962, déjà. La deuxième étape... ça serait la création du Frelinga en 1966. Et le Frelinga avait mené une guerre de libération contre le régime de François Tombalbaye. Et pourquoi, dites-nous voir. Oui, pardon. Et dites-nous voir pourquoi. Pourquoi ils menaient cette bataille, pour juste situer l'auditoire un peu dans parce que c'est quand même, ça fait... on redescend très, très, très bas l'histoire, hein. On remonte l'histoire en arrière, là. Alors, le Frelinga a été créé en 1966, donc la guerre menée par le Frelinga a concerné uniquement la partie septentrionale, c'est-à-dire la partie nord du Tchad. Alors, il y avait eu, les causes étaient multiples. Vous avez l'administration tchadienne dans cette région, notamment l'administration militaire. Il y a des militaires qui ont commis des exactions sur les populations civiles. Ça, il faut le dire. Il y avait eu des assassinats, des tueries, des humiliations. Alors, ces exactions ont... Ça, ces agressions ont contribué énormément à créer le Frelinat. Non seulement ça, vous avez aussi ce qu'on appelle les exactions économiques, enfin, le domaine économique. On a constaté que la partie septentrionale était délaissée économiquement par rapport à la partie méridionale, la partie sud du Tchad. Et ces données ont aussi exacerbé le mécontentement. Et la troisième raison, la raison sociale ou les raisons sociales, et la plus importante, c'est que le régime en place est basé sur le népotisme, c'est-à-dire certains partis qui appartiennent à la région du président, ou même la région du président, étaient plus favorisés que la partie septentrionale. Mais là, je voudrais aussi dire clairement que même sous le régime de François Tombaï ou de ceux que nous verrons plus tard, ceux qui ont suivi, c'est-à-dire les régimes d'Issanabré, Boukouni, Maloum et le régime actuel d'Idriss Déby. Mais, alors, il ne faudrait pas généraliser que systématiquement que tel président est de telle région et que toute la région en bénéficie. Ça, c'est ce qu'il faudrait éclaircir. Bien, toutes ces quatre raisons réunies ont permis de créer le Frelinat. Mais automatiquement, la deuxième étape la plus importante, c'est que à partir des années 80, c'est-à-dire en 1979, récapitulons, 66 créations du Frelinat, les combats jusqu'en 1979. En 79, le Frelinat a réussi à prendre le pouvoir, a renversé le général Maloum. Le général Maloum, qui est de la partie sud du Tchad. Alors, c'est à partir de là, à partir de la prise du pouvoir par le Frelinat, en 79, il s'est passé, disons, une aggravation de la crise tchadienne, de la crise politique, économique et sociale du Tchad. Qu'est-ce qui s'est passé en 79? En 79, nous avons le Tchad est pratiquement divisé en deux. Nous avons le dualisme nord-sud, parce que le régime militaire en place était constitué majoritairement par les sudistes, et que les exactions ont, il faut le reconnaître, ont été les plus belles dans la partie septentrionale. Et dites-nous voir. Mais, oui, allez-y. Oui, mais très tôt, on s'était aperçu que les différents composants du Frelinat, alors je peux vous citer quelques-uns de ces composants. Oui. Nous avons, allez-y rapidement, par exemple, les FAP, les Forces Armées Populaires, qui est dirigé par Goukouni. Nous avons les FAN, Forces Armées du Nord, qui est dirigé par Issanabré. Nous avons le Volcan, nous avons le CDR, qui est dirigé par Amatassil. Nous avons les Forces Armées Occidentales, FAO, etc., etc. Il y avait une dizaine de tendances qui constituaient ce qu'on appelle, en grosso modo, le Frelinat. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la prise de pouvoir de N'Djamena? Très tôt, on s'était aperçu que les mouvements qui composaient le Frelinat se rivalisaient pour le pouvoir. Alors là, la donne est devenue plus compliquée. Il y a eu confrontation interne entre les différents composants du Frelinat, qui contrôlaient chacun sa région, pratiquement sa région ethnique, hein, si vous voulez, pratiquement. Alors, de là, à partir de là, nous avons ce qu'on appelle la balkanisation du Tchad, avec les sudistes qui se sont retirés au sud, les différents composants du Frelinat qui s'étaient battus, chacun contrôlait sa région. Et de cette manière, nous avons pratiquement une déliquescence de l'État tchadien ou la disparition de cet État. Voilà ce qui s'est passé de 79 à nos jours, et cela continue. Alors dites-nous, docteur, quel rôle a joué ou joue la France-Afrique dans la crise tchadienne actuellement? Alors vous savez, pour cette question, je pense qu'on ne peut pas développer tellement. C'est tellement évident. Et c'est même une tautologie de dire que la France continue de jouer un rôle néfaste, voire criminel, par sa politique coloniale au Tchad. Dans l'histoire du Tchad, la France a toujours imposé les dirigeants. Mmh. Les vrais dirigeants démocratiquement élus, le Tchad n'a pas connu de vrais dirigeants démocratiquement élus. Et vous pouvez vous constater, ou l'opinion internationale pourrait constater, que tous les présidents qui se sont succédés au Tchad, aucun d'entre eux n'a demandé le départ, la fermeture des bases françaises au Tchad. Oui, parce que cela veut dire naturellement parce qu'il faut rappeler que leur survie dépendrait de ces bases. Mmh. Parce qu'il faut rappeler que la France a toujours les bases militaires au Tchad. La France dispose en ce moment d'une base en N'Djamena, d'une très grande base en N'Djamena, et l'autre à Abéché, à l'est, et il y a quelques unités à Fayal-Arjo, dans l'extrême nord. Mmh. Donc, grosso modo, il y a trois bases. L'Union européenne avait initié un dialogue inter-tchadien le 29 au 30 mars 2008 à Paris, dont l'objectif était dialogue inclusif. Du concept du dialogue à sa réalisation. Quelles en étaient les conclusions? Pourquoi le choix de la France et pas le Tchad pour organiser un dialogue inter-tchadien, selon vous? À ma connaissance, hein, je ne pense pas que l'Union européenne avait organisé une réunion de l'opposition tchadienne à Paris, hein, parce que ça se saurait. Mmh. Vous savez, si l'Union... regardez autour de vous la presse, hein, lisez, il n'y a pas eu une réunion de l'opposition tchadienne organisée ou patronnée par l'Union européenne à Paris. Donc ils ont appelé ça dialogue. Ils ont appelé ça dialogue inter tchadien en fait. Non, mais c'est pas organisé par l'Union européenne. Hein. Okay. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelques tchadiens, mm-hmm. Militants comme non militants, mm-hmm. qui s'étaient réunis, hein, c'est un petit nombre, hein, qui s'étaient réunis à Paris les 29 et 30 mars dernier, hein, mm-hmm. et pour discuter de la question tchadienne. Donc pour moi, c'est pas une réunion patronnée par l'Union européenne et qui n'a pas un rétentissement qui se doit. Mmh. Donc, mais vous dites nous voir un regroupement comme celui-là, est-ce que ce serait nécessaire pour la résolution du conflit tchadien au Tchad, peut-être? Vous savez, toute consultation inter-tchadienne, mmh. moi je pense que c'est à encourager. Ok. Mais seulement, ça reste très limitatif. Mmh. Pour la simple raison que le problème tchadien a aussi ce qu'on appelle la dimension extérieure, la dimension exogène. Ce qui fait que les grands décideurs, ceux qui ont une implication directe dans le dossier tchadien, ce sont tous ces partenaires étrangers qui doivent ensemble s'entendre et pouvoir organiser une telle conférence. Oui, dans ce cas, il y aura un retentissement. Mmh. Nous avons organisé en octobre 2006 une véritable conférence de l'opposition à Paris. Cette conférence avait regroupé la quasi-totalité de l'opposition militaire, ceux qui se battent actuellement à l'Est, et nous avons mis sur pied une coordination de la préparation de la conférence inter-tchadienne qu'on appelait COPOR, dont j'ai été élu président de cette structure. Là, je peux vous dire que la conférence de 2006 que nous avons tenue est réellement nationale. Mmh. Parce que nous avons les ONG, la société civile tchadienne qui était présente, les mouvements politico-militaires qui se battent à l'Est étaient présents, ainsi que la diaspora. Mmh. Celle-là, oui, parce que vous avez la presse en a fait écho. Écho, ouais. Abondamment. Voilà. On dit des opposants dans le conflit tchadien que pendant qu'ils négocient avec le pouvoir d'Idriss Déby, le président tchadien, que ces derniers collaborent en même temps avec les groupes extrémistes, exemple le RFC ou l'UFDD de Mahamat Nouri. Pourquoi cette ambivalence selon vous? Oh, mais vous savez, ce dont vous faites allusion, pour nous Tchadiens et l'opinion internationale avertie, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Mm-hmm. C'est une propagande pure et simple du régime. Premièrement, qu'est-ce que le président Déby, le dictateur Déby, je préfère plutôt ces termes, le dictateur Déby a l'habitude de dire que ce sont des mercenaires soudanais qui agressent le Tchad. Mais au fait, si vous regardez les leaders politiques des mouvements politico-militaires, le général Mahamat Nouri était 10 ans ministre d'Idriss Déby, c'est pas un mercenaire. Il était ensuite ambassadeur en Arabie Saoudite. Vous avez le colonel Soubiane, qui était ambassadeur du Tchad à Washington, qui était aussi ministre de l'Intérieur sous Déby. Ainsi de suite, je peux vous citer pas mal d'exemples. Autrement dit, l'argumentation de Déby est très très fragile. Tous les Tchadiens savent que les leaders de mouvements politico-militaires tchadiens étaient soit des officiers supérieurs de l'armée tchadienne, soit des hauts cadres de la fonction publique tchadienne, soit des diplomates tchadiens, soit des politiciens tchadiens. Alors, dire que les mouvements politico-tchadiens sont de connivence avec ce qu'on appelle les islamistes soudanais, je pense que ça fait pas du tout sérieux. Premièrement, nous pouvons dire, en revanche, que c'est bien le président Déby qui a créé, qui a financé le MJE du docteur Khalil. Tout le monde le sait, et d'ailleurs le docteur Khalil lui-même s'en est vanté lors d'une interview à Radio France Internationale le 20 octobre 2006. Mmh. Hein, ça, je pense qu'il y a certains de vos auditeurs qui l'ont écouté, oui. Écoutez, oui. Écoutez, au Tchad, où les rebelles succèdent aux rebelles, où opposant est synonyme à businessman, le véritable problème du pays est-il dans son opposition ou dans ses opposants? Dites-nous voir. Oh, malheureusement, je peux vous dire, les deux problèmes. Le problème existe au niveau de l'opposition et au niveau des opposants. Ces deux problèmes ont leur dimension dans la crise tchadienne. Je peux vous citer quelques exemples. Dès la création du Frelinat, il y a des nationalistes tchadiens parmi eux. Mm-hmm. Il y a ceux qui voient le problème tchadien sous l'angle national et non tribal. Mais malheureusement, à l'intérieur, vous avez une minorité qui a une vision tribale, confessionnelle, régionaliste. Cette tradition se poursuit jusqu'à l'heure actuelle dans les mouvements tchadiens. Ça, il ne faut pas le nier au sein de l'opposition. Nous avons des mouvements dont les diseurs ont toujours cette emprise clanique, familiale ou régionale ou confessionnelle, ces mouvements existent. Mais ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que dans l'opposition tchadienne, nous avons des démocrates, des véritables démocrates, des nationalistes, mais malheureusement, ces démocrates, ces nationalistes n'émergent pas encore parce que ils n'ont pas encore le rapport de force en leur faveur. Mmh. Pour résoudre le conflit tchadien, le président Déby a choisi de faire appel aux troupes étrangères. Je citerai le mouvement de justice et égalité que vous devrez connaître, le mouvement de libération du Soudan. On se souvient de Laurent Désiré Kabila en République démocratique du Congo avec les forces de libération qui, après avoir libéré le Zaïre de Mobutu, les troupes étrangères ne sont jamais ressorties du pays. Je vais parler de la RDC. Déby est-il en train de faire la même erreur, selon vous? Alors là, je voudrais lever l'équivoque. Allez-y. On ne peut pas confondre le MJE avec la FDL. Vous savez que Mobutu était pendant 32 ans ou 33 ans au pouvoir, soutenu par l'Occident. Le Zaïre est est, disons, l'un des plus grands pays d'Afrique, excessivement riche. Et tout le peuple africain a constaté comment la gestion de Mobutu a réduit ces grands pays en un pays misérable. Et tous les jeunes, toute la jeunesse africaine en veut à Mobutu. Raison pour laquelle, quand Kabila, avec l'aide de l'AFDL, il faut le dire, comprenait quelques ressortissants rwandais et ougandais, et même d'autres pays d'Afrique, il y a certains Zimbabwéens qui étaient là aussi, toute l'Afrique avait applaudi. On n'a jamais regardé bien la presse de l'époque. Personne n'avait dit que les troupes étrangères avaient envahi Kinshasa ou voulaient descendre Mobutu. On applaudissait. J'étais membre d'un mouvement panafricain ici au niveau de la France, et nous avons soutenu à fond, nous avons mené des meetings, nous avons écrit des conférences pour soutenir l'AFDL pour déloger Mobutu. Donc, premièrement, le mouvement de l'AFDL est un mouvement soutenu par toute l'Afrique, par l'Afrique combattante. Nous avons d'ailleurs adressé nos motions de soutien au président Kagame et au président Museveni pour avoir aidé au renversement de Mobutu. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas le cas du Tchad. Au Tchad, nous avons un individu qui, depuis 18 ans, n'a rien construit. Et de surcroît, le Tchad produit du pétrole. Et de mémoire des Tchadiens, jamais nous avons vu un pays, le Tchad, aussi misérable qu'avec la production du pétrole. Raison pour laquelle Déby, en réalité, n'a aucune assise nationale populaire. Allez-y, on vous écoute. Est soutenu tout simplement par l'extérieur. La preuve, dès que les mouvements, les insurrections, les mouvements des forces armées de résistance nationale marchent sur N'Djamena, vous n'avez aucune résistance de la population. Les villes traversées acclament, au contraire, acclament l'opposition. Ce qui fait dire clairement au peuple tchadien que Déby n'a aucune assise populaire, premièrement. Deuxièmement, s'il est au pouvoir, c'est grâce aux interventions multiples de l'armée française qui, à chaque fois, dès que la rébellion arrive au port d'N'Djamena ou encercle le palais, nous avons les mirages de l'armée française qui décolle et anéantit la résistance. C'est ce que nous déplorons. Alors, dites-nous, la crise tchadienne a-t-elle des facteurs internes ou externes? En d'autres termes, la crise au Darfour aurait-elle un lien direct ou indirect avec le conflit tchadien? Je pense que là aussi, Déby a réussi son coup de la désinformation. La crise Darfour est née en février 2003. La crise tchadienne est plus ancienne parce qu'elle a commencé réellement en 1966 avec la création du Frelina. Or, qu'est-ce qu'on entend dans l'opinion internationale et en Occident en général? On dit que c'est le président El Bachir qui a créé les mouvements qui résistent en ce moment à l'Est. C'est faux. Déby est au pouvoir depuis 18 ans. C'est depuis 18 ans qu'il y a ce qu'on appelle la lutte armée contre Déby. Donc ça ne peut pas être Béchir qui a créé le mouvement des résistances nationales tchadiennes. Alors, en revanche, le docteur Khalil, Ibrahim Khalil lui-même, le président du MGE, a reconnu publiquement, toujours sur Radio France Internationale, que son mouvement a été créé financé et équipé par le président Déby. En terminant, c'est Déby qui a initié qui a aggravé le problème du Darfour, et non l'inverse. Voilà, et donc en terminant, donnez-nous quelques pistes de solutions pour une véritable paix au Tchad. Alors, je vous avais parlé précédemment que nous avons tenu à Paris en novembre 2006 la conférence de toute l'opposition tchadienne et des associations de la société civile. Nous avons mis sur pied ce qu'on appelle le COPOR, et nous avons retenu les points suivants. Nous pensons qu'une conférence de paix inclusive doit avoir lieu et doit réunir le gouvernement actuel, les mouvements politico-militaires de l'Est et du Nord et du Sud, la société civile, tous ces trois composants réunis doivent élaborer ce qu'on appelle un programme de transition. Et nous avons souhaité que cette transition n'excède pas, la durée de cette transition n'excède pas une année. Mmh. Le rôle fondamental de la transition, du gouvernement de transition, c'est de mettre sur pied des institutions fiables qui puissent permettre l'organisation des élections libres et démocratiques. Voilà la piste essentielle qui puisse permettre de ramener la paix au Tchad. Voilà, au cas où le gouvernement tchadien accepte, parce que jusqu'à preuve du contraire, le président Déby refuse, jusqu'à présent, refuse une conférence de paix. Il ne voit le problème tchadien que par le débauchage individuel de certains membres de l'opposition. Chose que vous avez constatée jusqu'à présent, il a continué à débaucher depuis 18 ans, et depuis 18 ans, on n'a pas de solution. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là, docteur Leigh Gardigal. Alors, je profite de cette occasion aussi. Oui, allez-y. De lancer un appel au gouvernement canadien. Oui. Si je vous dis ça, c'est parce que le Canada est un pays réellement neutre. Tout à fait. C'est un pays pacifiste. Je profite, en ma qualité de président du COPOR, de lancer, si vous pouvez transmettre ce message, un appel solennel au gouvernement canadien. Oui. De pouvoir organiser cette conférence de paix inclusive du Tchad au Canada. Voilà. Et le peuple tchadien lui serait très reconnaissant d'aider à épargner les vies humaines tchadiennes. Voilà, donc, voilà, donc votre message est passé. C'était, c'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous remercie, docteur Leigh Gardigal Djimadoum. Vous êtes, merci. Il faut rappeler que vous êtes secrétaire général de l'ACTUS, qui est l'action tchadienne pour l'unité et le socialisme. Et en même temps, vous êtes rédacteur en chef du site internet Tchad Espoir. Alors, on vous avait en direct depuis Paris. C'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci de votre collaboration et votre participation à l'émission africaine. Voilà, donc je profite aussi de cette occasion pour remercier tous les auditeurs de Radio CHUFM. De Radio CHUFM Ottawa. Et je lance un appel aussi solennel à tous les frères africains de militer activement pour les États-Unis d'Afrique. Parce que le sort de notre continent est en jeu dans ce monde mondialisé. En tout cas, on vous remercie infiniment et on vous souhaite de passer un bon après-midi à Paris, en France. Merci à vous également. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous déménagez ou vous voulez envoyer de la marchandise? WIB Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique. WIB offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur WIB Cargo Express pour vos besoins en services d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381. We'll be right back. Ngogbangba, ils ont fait, ils vont prendre là. J'ai beau leur parler, ces politiciens n'écoutent pas. J'ai beau les avertir, ils n'entendent pas. Et ce qui devait arriver, arriva. Leur soif de pouvoir, un jour les perdra. Ils se désaltèrent dans la rivière de nos larmes. Et devant tout ce gâchis, ils n'ont pas d'état d'âme. Un jour viendra, le peuple se révoltera. Un jour viendra, le peuple se lassera. Bang bang, ils ont créé là, ils vont prendre. Oh, bang bang, ils ont créé, ils vont prendre. Mon pas là-haut, ils ont créé là-haut, ils vont prendre. Mon bang bang, ils ont créé, ils vont prendre. Ces politiciens n'écoutent pas. Voilà, CHUFM, nous avons depuis Washington aux États-Unis, nous parlons avec le docteur Jimmy Adoum. Bonjour docteur, bienvenue à l'émission africaine. Bonjour docteur, est-ce que vous nous écoutez? Oui, bonjour Jean-Marie, oui, je vous écoute bien. Bonjour de Washington, bonne journée pour le Canada aussi. Merci. Alors à Washington, il est pratiquement 7h52 aussi, hein, chez vous. Tout à fait. Voilà, donc vous êtes coordonnateur de la commission indépendante pour le dialogue inclusif qui s'est passé le 29 mars au 30 mars 2008 à Paris, en France, concernant le Tchad. Et vous êtes en même temps rédacteur en chef du site internet Tchad News Info. Vous êtes basé aux États-Unis. Alors, ce matin, nous allons parler de qu'est-ce que c'est de ce dialogue inclusif en parlant de la situation au Tchad. Dites-nous voir. Ok. Ben, je vous remercie infiniment de l'occasion que vous m'offrez. Chaque pas dans le solutionnement de la crise au Tchad est un pas assez significatif. On vous écoute, oui, allez-y. Et dans ce sens, je voulais assez rapidement dire que la commission indépendante pour le dialogue inclusif est née du fait que vous avez écouté le Tchad à ce problème, le docteur Ngandigal qui a passé avoir en abossé toute l'historique. Tout à fait. Il y a eu au Tchad une très bonne conférence nationale souveraine en 93. Et depuis lors, donc, on va de mal gouvernance en mal gouvernance à la confiscation du pouvoir par la modification de la constitution, ainsi de suite. Il y a des rébellions qui pullulent à l'Est. Il y a des tentatives de renversement et de contre-renversement, il y a l'implication des mains étrangères, donc le Tchad ne trouve pas son compte dans tout ce qui se passe chez nous. Des conférences de part et d'autre ont eu lieu, et chacun, si vous le prenez individuellement, chaque acteur de la crise parle de dialogue inclusif, mais personne ne vous dit exactement ce que c'est le dialogue inclusif. Donc nous nous sommes dit, bon, tout simplement, c'est un petit groupe de personnes, des Tchadiens, vraiment consternés par la situation actuelle du pays. Nous nous sommes dit, ok, dans la mesure où tout le monde parle du dialogue inclusif, nous nous sommes retrouvés pour dire, bon, mais nous allons nous attaquer à la définition du dialogue inclusif. Alors, dans ce sens, donc, une une bonne vingtaine de personnes. On a fait un appel à tout le monde. Naturellement, c'est pas facile de regrouper une telle ou telle personne pour des sensibilités. On ne sait pas d'où c'est qu'elle vient. Peu importe, nous nous sommes retrouvés le 29-30 pendant deux jours, ceux qui sont venus pour la circonstance. Donc nous nous sommes attardés sur la définition du dialogue. Nous avons d'abord dit, bon, mais qu'est-ce que ce dialogue inclusif? Et qu'est-ce qu'on attend de ce dialogue inclusif? Qui faut-il inviter? Et maintenant, il faut définir les conditions de, pour que ce dialogue inclusif puisse avoir lieu. Pour cela, nous avons passé une journée et demie, disons la première journée, c'est inventorier, si vous voulez, les problèmes qui minent le Tchad. Donc, en partant du constat que la constitution est modifiée, le refus du président Déby de vouloir s'asseoir et dialoguer, les deux ou trois tentatives de renversement. Et selon vous, pourquoi est-ce qu'il refuse de s'asseoir et dialoguer? Donc, nous nous sommes dit, ok, comment faire pour assainir le président Déby? La société civile qui, elle, d'ailleurs, elle est impuissante, elle crie au dialogue. Les politico-militaires qui disent dialogue, mais sinon, bon, ils vont aussi en guerre. Alors, pour ce faire, nous nous sommes dit, ok, le dialogue, tant que nous l'avons évoqué, nous l'avons abordé, nous l'avons défini en ces termes. Nous l'avons éclaté en deux. Dialogue inclusif. Dialogue, c'est-à-dire, en simple terme, il faut permettre aux gens de venir s'asseoir autour d'une table et bavarder. Oui. Et l'inclusif, c'est-à-dire impliquer tout le monde. Impliquer tout le monde, tout à fait, oui. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de mystère. Alors, dites-nous, les attentes pour, de ce dialogue, ce type de dialogue, s'il y a un ou ceux qui ont été organisés pour les Tchadiens, quelles sont les attentes d'un dialogue de ce type-là ou de ce format-là? Oui, pour la première fois dans l'histoire du Tchad, tout ce que nous faisons est écrit et posté sur l'Internet. Donc nous avons toute la programmation relative au cheminement dans le but d'accomplir ce dialogue. Et c'est simple, Monsieur Jean-Marie, nous voulons seulement ramener les gens à la table, c'est-à-dire tous les acteurs de la crise, la société civile, les politico-militaires, les amis du Tchad, disons les partenaires internationaux. Donc nous travaillons, nous avons des réunions, des rencontres avec soit les partis tchadiennes, soit les partenaires internationaux. Et chaque fin du mois, nous sortons un rapport pour dire exactement ce qui se passe. Depuis la conférence, nous nous sommes toujours attelés sur le court terme. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser le concept du dialogue inclusif. Il faut aller vers les autres tchadiens qui n'ont pas pu, si vous voulez, participer à la conférence. Il faut leur faire comprendre le bien fondé ou bien le mal fondé, selon certains, de ce que nous essayons de faire. Ils vont sur l'Internet, ils jettent un coup d'œil sur ce que nous écrivons, on sensibilise, on recrute au sein de la CIDI, qui est un acronyme pour la Commission indépendante pour le dialogue inclusif. Et donc, si vous allez sur le site www.cidi.over-blog.com, donc vous allez voir, si vous voulez, le rapport de la CIDI, le questionnaire que nous avons développé pour essayer de comprendre plus ou moins ce que les gens attendent et les rapports, si vous voulez, mensuels que nous avons produits. Donc moi, en bref, je peux vous dire, j'ai eu des rencontres avec le Quai d'Orsay, j'ai rencontré des gens au département d'État, j'ai rencontré des gens, si vous voulez, à l'ambassade de Chine, nous avons bavardé avec les Nations Unies et ainsi de suite. C'est-à-dire la crise tchadienne, elle ne peut être solutionnée que par l'ensemble de tous les acteurs. Nous avons les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Et je crois qu'il faut faire comprendre à nos partenaires internationaux surtout que leur entêtement de vouloir maintenir une seule personne au pouvoir met le Tchad dans l'état actuel se trouve, voilà. L'un des pays les plus ratés de la planète. Et je pense que vous étiez en train de nous écouter. Je vais vous poser la même question que j'ai posée au docteur Legardigal tout à l'heure. La crise tchadienne a-t-elle des facteurs internes ou externes? En d'autres termes, la crise au Darfour aurait-elle un lien direct ou indirect avec le conflit tchadien? Dites-nous voir. Oui, la crise du Darfour a un lien intime avec la crise tchadienne parce que juste au moment où les Darfouriens, les Soudanais cherchaient, si vous vous rappelez, quand ils étaient à Naivasha pour essayer de régler le problème, à l'époque c'était... À Naivasha, à Nairobi, au Kenya. Tongara, la crise du Darfour était juste à son début. Mm-hmm. Et au même moment, le président tchadien cherchait à modifier la constitution. Donc, mm-hmm. il fallait faire du bruit, il fallait vraiment profiter de l'occasion que Naivasha offrait pour, si vous voulez, masquer plus ou moins la crise interne tchadienne. Et ceci étant, donc, le monde avait les yeux braqués sur Naivasha et puis la crise du Darfour devait être, si vous voulez, accentuée pour qu'on puisse focaliser tous les efforts et oublier ce qui se passait intérieurement au Tchad. Mm-hmm. En terminant, docteur, dites-moi, je vais vous poser une question. Est-ce que quelle piste ou solution véritable pour que peuvent apporter les pays africains pour aider le Tchad et le Soudan et pour résoudre le problème, le conflit tchadien et le conflit soudanais aussi? Et quelle aide le Canada, parce que nous sommes au Canada, vous êtes aux États-Unis, quelle aide le Canada peut aussi apporter, d'après vous, pour les recherches de solutions, la résolution du conflit tchadien et soudanais? C'est très bien. En Afrique, malheureusement, on n'attend pas beaucoup de choses, mais nous n'avons pas le choix. Il y a quand même quelques signes encourageants dans la mesure où vous avez vécu la crise au Kenya et la crise au Zimbabwe. Oui. Jusqu'à ce que le peuple dise « enough is enough », ça suffit. Généralement, l'Union africaine, disons, tourne en rond. Quand le peuple ou bien la société civile ou bien politique s'organise, elle parle d'une seule voix, les gens sont forcés de venir en aide, ce qui fait que maintenant nous avançons vers le concept, le modèle Odinga Kibaki, qui fait que les gens se battent et la communauté internationale dit non, ça peut pas aller, vous venez, vous vous asseyez, une transition est organisée et voilà, nous savons ce que c'est. Mm-hmm. Le même modèle est en train d'être appliqué pour le Zimbabwe. Maintenant, revenons au Tchad. C'est-à-dire au Tchad, plus ou moins c'est malheureux de le dire, mais l'Afrique, si vous voulez, attend jusqu'à ce que les choses se détériorent avant de pouvoir chercher à solutionner. Oui. Ces chefs d'État qui se trouvent, disons, au sommet africain, savent bel et bien qu'il n'y a pas de solution militaire au Tchad. S'ils veulent que toute la sous-région s'embrase, ben, on va continuer dans ce sens. Mais s'ils veulent que ça finisse, je pense qu'il y a moyen, par cette petite initiative du dialogue inclusif, mm-hmm. de faire asseoir tout le monde autour de cette table, y compris les partenaires, oui. et de créer, si vous voulez, les moyens qui peuvent permettre aux Tchadiens d'asseoir une transition et trouver une issue honorable, comme à l'image de ce qui a déjà été fait et au Kenya et bientôt au Zimbabwe. Au Zimbabwe, tout à fait. Par rapport au Canada, c'est-à-dire que c'est le partenaire privilégié dans la crise, aucun pays tout seul ne peut solutionner la crise. Donc c'est là, si vous voulez, les pays ensemble, le Canada, les États-Unis, l'Europe, la France, la Chine, l'Union africaine, ensemble, d'un commun accord pour dire que bon, voilà, nous allons déployer tous les efforts, modulés, si vous voulez, et qu'ils le comprennent à la fois, mais pas morcellement. Mm-hmm. Donc je pense que nous avons beaucoup plus à gagner, et naturellement, le Canada étant un grand pays qui joue un rôle quand même assez significatif dans le développement et la stabilisation des pays en voie de développement, nous attendons certainement beaucoup, mais dans le Conseil, ça veut dire que le Canada peut jouer un rôle significatif dans le souci de rassembler ou bien d'encourager davantage les partenaires internationaux. Voilà. Écoutez, docteur Jimmy Adum, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, on vous donne 10 secondes pour vous adresser aux Africains et aux Canadiens qui vous écoutent ce matin. Alors, on vous donne 10 secondes avant de terminer l'entrevue. Oui, merci de l'occasion qui m'est offerte. C'est-à-dire le problème, il faut que nous soyons conscients du fait que nous connaissons nos problèmes et que les Africains puissent se taper la poitrine pour dire « je peux amener ma contribution à la solution du problème mm-hmm. ». Que nous ne soyons pas tout le temps en train de prendre le « second seat », comme on le dit, la deuxième chaise, dans le débat qui mine le continent et qui mine les pays respectifs, Mais que nous puissions venir voir nos partenaires pour leur dire, nous proposons plan A, plan B, plan C, et d'avoir étudié tous les contours avec toutes les hypothèses possibles pour que nos partenaires comprennent que nous sommes en mesure d'appréhender le problème et de proposer des solutions, et avec leurs aides, nous pourrons certainement avancer. Le Canada est bien placé pour jouer un rôle significatif, et j'espère que les Africains qui nous écoutent et aussi nos partenaires qui nous écoutent en prennent bonne note. Voilà. Alors, docteur, c'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous remercie. On vous rappelle à ceux et celles qui venaient de prendre l'interview ou l'écoute que c'est le docteur Jimmy Adum qui est le coordinateur de la commission indépendante pour le dialogue inclusif et il est rédacteur en chef du site Tchad News Info qu'on peut retrouver, que vous pouvez retrouver en ligne. On l'avait en direct depuis Washington aux États-Unis. C'est toute l'Afrique qui vous dit merci et on vous souhaite une bonne fin de semaine, docteur. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bye. Ouais, bye bye. Bon, on va vous en débarrasser.